Sixième chapitre, l'agression. À partir de ce jour, le bonheur qui semblait ne devoir jamais reparaître dans le pauvre petit logement de la route de la révolte y était cependant revenu et s'y était définitivement installé, à la grande joie de Madame Mao qui ne pouvait croire à un tel changement. Le propriétaire avait été payé. On avait fait une provision de charbon et de pétrole, et les repas étaient maintenant plus réguliers et aussi plus substantiels. Louisette surtout était heureuse comme une petite reine depuis qu'un bon feu brûlait dans le poêle. Elle était si frileuse, la pauvrette. Parfois elle toussait, une petite toux sèche, sifflante, qui inquiétait beaucoup Madame Mao et Francis. Alors la mère et le fils se regardaient et une crainte vague passait dans leurs yeux. Ils l'aimaient tant, leur petite Louisette. « Il faudra pourtant, dit un soir Madame Mao à Francis, que nous nous occupions de retrouver sa maman Mélie, si elle vit encore, comme elle doit souffrir, la pauvre femme, d'être ainsi séparée de son enfant. « Oui, répondit le gamin de Paris, mais si sa mère la réclame, si on nous la reprend, il y aura toujours moyen de s'arranger. La mère pourrait habiter dans cette maison, ainsi Louisette ne nous quitterait pas. » C'est une idée, en effet. Nous verrons. La semaine prochaine, il faudra faire des démarches. Mais où s'adresser? Nous ignorons le nom de famille de cette petite. C'est juste. On pourrait peut-être faire paraître une note dans les journaux. Alors, si la mère est morte, l'assistance publique nous enlèvera Louisette. « Et pourquoi cela ?» demanda Francis. « Mais parce que nous ne sommes pas dans une situation à adopter un enfant. S'il n'y a que cela, rassure-toi, maman. Les beaux jours sont revenus dans notre maison et ils ne sont pas prêts de disparaître, tu peux en être sûre. D'ailleurs, Monsieur Voirin m'a convoqué pour ce soir. Les plans sont terminés, paraît-il. C'est notre fortune qui commence, petite mère. » Madame Mao attira vers elle son Francis et l'embrassa avec attendrissement. « Brave petit gars » murmura-t-elle, « comme ton pauvre père serait fier de toi s'il était encore de ce monde. » Francis eut un soupir et ses yeux se fixèrent sur un petit cadre accroché à droite de la cheminée où l'on voyait un homme à la figure expressive et bonne sur laquelle un sourire d'espoir était comme figé sous le verre. Après le dîner, Francis mit une chemise blanche, revêtit une cotte neuve et, après avoir embrassé sa mère et Louisette, partit pour se rendre chez son patron. Un trouble indéfinissable s'était emparé de l'apprenti. N'était-ce pas son avenir qui se décidait en ce moment? Et puis, un doute lui restait dans l'esprit. Il lui semblait impossible que la fortune lui sourît à ce point. Monsieur Voirin l'attendait avec grondard dans son appartement particulier, situé dans un petit hôtel attenant à l'usine. Un domestique introduisit aussitôt Francis, qui se trouva dans un vaste salon tout resplendissant de clarté. Le directeur était assis dans un fauteuil devant un guéridon. Le contremaître se tenait à ses côtés. « Ah, c'est toi, Francis !» fit Monsieur Voirin en tendant la main à l'enfant. « Je crois que tu vas être satisfait. Ton invention est au point, avec de nombreuses modifications, mais tu la reconnaîtras tout de même. Vous avez les plans, Grondard ?»« Non, monsieur le directeur, je ne pensais pas rester à dîner avec vous. Ils sont à l'usine, dans votre bureau. Je vais aller les chercher. Donnez la clé à Francis, il ira lui-même. Expliquez-lui seulement où il se trouve. » Sur la table, dans le casier de droite, celui sur lequel il y a une étiquette rouge. « Tu as bien compris, Francis ?» demanda le directeur. « Oui, monsieur, » répondit l'enfant. « Grondard, donnez-lui la clé. » Et Monsieur Voirin, s'étant levé, ouvrit une petite porte. « Tiens, passe par ici, » dit-il à Francis. « Suis ce couloir au fond. Il y a un escalier qui communique directement avec mon bureau. Une fois en bas, tu n'auras qu'à allumer l'électricité. » Le gamin s'engagea dans le couloir, descendit l'escalier, puis après avoir fait de la lumière, il s'apprêtait à ouvrir la porte du bureau quand il remarqua que celle-ci était entrebâillée. Il poussa vivement et pénétra dans la pièce. mais presque au même instant l'obscurité se fit. Surpris, l'enfant allait se précipiter vers le commutateur, quand un homme surgit tout à coup, se jeta sur l'apprenti, le saisit à la gorge et le renversa sur le parquet en disant d'une voix rauque « Un mot et je t'étrangle !»« À moi ! À moi !» hurla Francis en se débattant avec rage. À suivre dans le prochain fascicule, la chasse à l'homme.